passer sans raison devant la maison. Je sais pas pourquoi j'ai eu chaud, j'ai eu froid. Un flashback, j'ai 7 ans. Je cours et je cours dans ton vieux Chevrolet. Toi, tu disparais. Dans mes bras, y a du vide. Dans ma tête, t'es rapide. Des mots qu'on attendait, qui n'arrivent jamais. On met du temps à comprendre ce que le cœur veut entendre, ce que le cœur voudrait comprendre. On met du temps. Fini les chiffres de nuit, ça rit sur la galerie. Un monde qui respire, le bonheur qui s'étire. Une ride avec toi au cœur de l'été. On était les premiers à découvrir le fleuve. C'était presque rien, était bien. Des mots comme un reflet dans tes pays muets. On met du temps à comprendre ce que le cœur veut entendre, ce que le cœur voudrait comprendre. On met du temps à l'entendre. Passer sans raison devant la maison, au pied des peupliers, j'ai laissé ma chanson.